Victor Hugo à Guernesey 2. Qu'est-ce que cette terre? Une tempête d'âme. Dans cette ombre où rochers errants, nous n'abordâmes jamais qu'à des écueils les prenant pour des ports. Dans l'orage des cris, des désirs, des transports, des amours, des douleurs, des vœux, tas de nuées. Dans les fuyants baisers de ces prostituées que nous nommons fortune, ambition, succès. Devant Job qui souffrant dit « Qu'est-ce que je sais ?» Et Pascal qui tremblant dit « Qu'est-ce que je pense ?» Dans cette monstrueuse et féroce dépense de pape, de César, de roi, que fait Satan? En présence du sort tournant son cabestan, par qui toujours de là l'effroi des philosophes, sortent des mêmes flots, les mêmes catastrophes. Dans ce néant qui mord, dans ce chaos qui ment, ce que l'homme finit par voir distinctement, c'est, par-dessus nos deuils, nos chutes, nos descentes, la souveraineté des choses innocentes. Étant donné le cœur humain, l'esprit humain, notre hier ténébreux, notre obscur lendemain, toutes les guerres, tous les chocs, toutes les haines, notre progrès coupé d'un traînement de chaînes, partout quelques remords, même chez les meilleurs, et par les vents, soufflant du fond des cieux en pleurs, la foule des vivants sans fin bouleversée. Certes, il est salutaire et bon pour la pensée, sous l'entrecroisement de tant de noirs rameaux, de contempler parfois, à travers tous nos maux, qui sont entre le ciel et nous comme des voiles, une profonde paix toute faite d'étoiles. C'est à cela que Dieu songeait quand il a mis les poètes auprès des berceaux endormis.